est allé chercher des verres d'eau, parce que sinon, on ne va pas tenir longtemps dans la serre de la fonderie. De la board, on va commencer avec vous, Sylvain et Jean-François. Peut-être que pour pas faire la même erreur qu'hier, on va enlever le tourne-disque. Voilà, merci Stéphanie. Non, c'est pas la peine d'éteindre. On est donc à la deuxième journée de radio. Hier, on a reçu beaucoup de gens qui exposent des choses ici dans la fonderie au Mans pendant les rencontres Encore Heureux. Vous avez peut-être vu l'expo satellite, l'expo des photos du quartier de Tourcoing Pont-Rompu, ainsi que des peintures et dessins de Quentin Rouchet. Mais vous pourrez aussi aller l'après-midi regarder Sylvain et Jean-François, Sandrine, tous les autres des gemmes du Mans qui sont autour de cette table. Également des films du Polygone avec qui on a beaucoup parlé hier, des ateliers. Des ateliers dans les lieux. Le Polygone, c'est un cinéma de quartier dans la ville de Marseille. Mais en bavardant avec vous un peu en amont des rencontres, on avait eu envie un peu de prendre des nouvelles des gemmes du Mans et peut-être de dire ce que c'est qu'un gemme, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un gemme. Et donc j'ai un peu envie de vous laisser la parole, de vous présenter. Et puis on va bavarder un petit peu autour un peu de cette question de comment ça va, comment les choses ont continué avec cette année qu'on vient de passer, où on sait qu'on a eu des fois des difficultés à continuer des ateliers. Bah, on venait un peu prendre des nouvelles. Alors je ne sais pas si tu veux commencer, Sylvain. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis du GEM Tigera depuis 6 ans. C'est une association qui accueille des personnes en situation de fragilité psychique. Pardon. On peut faire des activités, on peut faire des activités cuisine, on peut faire des jeux de société, on peut faire des sorties, différentes sorties, Mont-Saint-Michel, Saint-Malo. Voilà. Là, on a un projet pour le 30 avril d'aller voir le Tour de France. D'accord. À Laval. Ah ouais. Peut-être le lendemain à Tours. Vous avez réussi à faire des sorties dans l'année ? Dans l'année, non. Pas encore. Là, c'est les premières sorties. Voilà, on va refaire des sorties. Si vous voulez, il y a un an, quand le confinement est arrivé, on a fermé, ouais. comme tout le monde. Parle bien dans le micro, parce qu'il y a plein de mouvements autour de nous. Comme tout le monde, on a fermé. Et pendant 2 mois, après, on s'est retrouvés dans les parcs. Parc Monod au Mans, Jardin des Plantes et tout ça. Ouais. Après, au deuxième confinement, les GEM ont eu le droit avec l'ARS. Donc, premier confinement, vous avez pu aller dans des jardins. Vous avez été... Non. On est resté chez soi. On a respecté les règles par le gouvernement. Ouais. Et au mi-mai l'année dernière, on a pu aller dans les... Qu'on n'avait pas le droit d'aller dans le GEM Tigera. On a été dans les parcs. Okay. Et puis après, on est revenu aux 76 au national. Le deuxième confinement, il y a eu des règles de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. On avait le droit de venir une fois par semaine. Et là, depuis que le couvre-feu, on vient une fois par semaine ou deux, une à deux fois par semaine pour boire un café, se rencontrer et voilà. Alors, on va avoir la visite de certaines personnes d'un GEM en Seine-Saint-Denis la semaine prochaine, qui sont réunies autour d'une association qui s'appelle La Trame, et eux aussi, un peu comme tu le disais, c'est pour ça que je te reposais la question, au moment on a pu un peu ressortir, les jardins et les parcs ont pris un rôle considérable pour se retrouver dehors et refaire des choses dehors. Et on prenait un goûter, on avait des chaises, plus des chaises, on était bien installés, et on pouvait, au mois de mai dernier, être une dizaine dans les parcs, ouais, en respectant les distanciations. Et on a passé des bonnes après-midi dans plusieurs parcs différents du Mans. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux dire où se trouve le GEM Tegera au Mans ? Tu as parlé de la rue nationale. 176 rue nationale, à côté du lycée Washington. Ouais. Tegera, c'est le nom des... Alors, c'est une bénévole de l'UNAFAM qui s'occupe de l'UNAFAM. C'est une association des parents, des amis, des personnes qui sont en situation en trouble psychique. Ouais. Et c'est une bénévole qui a été dans le pays du Niger, en Afrique. Et les Touaregs, c'est des tentes où des passagers peuvent être accueillis, et c'est une bonne ambiance, et c'est pour ça que la bénévole, elle a appelé le GEM le Tegera. Okay. Voilà. Très bien. Est-ce que, Jean-François, tu peux dire un petit mot ? Alors, je rappelle, pour que vous restiez bien en ligne à l'écoute, qu'à 15h, on va appeler Nicolas... L'animateur du GEM. Ouais, c'est ça. Et peut-être qu'on reviendra sur le lieu en lui-même. Oui. Hein ? Et peut-être que tu peux nous dire un peu quelques mots, Jean-François. Bonjour. Je te laisse te présenter. Jean-François. Donc, en fait, moi, je suis le président du GEM Loisirs depuis 9 mois, à peu près, 9 mois. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, à peu près comme Sylvain, c'est à peu près le même truc. Pas trop fort. C'est à peu près le même truc. Donc, on fait des avant le Covid, on faisait des activités et tout ça. Mais avec le confinement, on était fermé le premier confinement, donc on a fait plus, on a créé Messenger sur Facebook. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, expliquez-moi. C'est une adresse virtuelle, une adresse de messagerie avec les petits mots. On peut écrire des comme les SMS, mais sur Facebook en fait. On s'écrit mutuellement et tout un groupe déjà prévu. Sélectionné, et puis après on s'appelle, on se renvoie des messages et on s'envoie des messages de messagerie, Messenger. Donc du coup c'est des messages écrits, mais vous envoyez aussi des messages audio ? On peut, mais c'est plus rare, c'est plus rare. C'est plus rare. Le premier confinement, l'animatrice du GEM Loisirs et l'animateur du GEM Tegera nous appelaient différentes personnes sur Messenger. Et au lieu d'être tout seul toute la journée, pendant une demi-heure, une heure, on pouvait être plusieurs. Chaque GEM le faisait de leur côté. Et pendant 2 mois, oui, tous les jours, on se voyait par téléphone jusqu'à 8 personnes. C'est-à-dire qu'on n'était pas, on était en contact des autres gémeurs, parce que ceux qui sont dans les GEM, on appelle les gémeurs et les gémeuses. Vous avez fait un peu de la radio, en fait. Voilà. De la radio avec de la visio, du téléphone. C'est-à-dire que tous les jours, on attendait 17h et pendant une demi-heure, une heure, on était en discussion avec les autres gémeurs et on racontait notre journée parce qu'il y en a qui étaient seuls dans leur appartement. Et voilà, il y avait... voilà. Je vous posais la question de la radio parce que des fois, pendant le confinement, beaucoup de lieux qu'on va aussi recevoir d'ailleurs... Je pense à Radio Tisto, je pense à Bruit de Couloir et aussi La Wave qui vont venir dans les jours qui viennent et que vous pourrez aussi écouter. Beaucoup de groupes radio ont un peu permis de continuer à se donner des nouvelles. Et il y avait d'ailleurs, dans le lieu où j'habite à Paris, une quotidienne de un quart d'heure qui était, j'aurais pu dire, comme un peu un grand répondeur collectif où les gens laissaient des messages, envoyaient des messages qu'on passait à la radio. Et c'était aussi une manière de rester virtuellement, mais enfin aussi par les voix, par les écrits. C'était quand même une relation, enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que des fois on critique les médias ou les relations virtuelles. Mais finalement, des lettres, on s'en écrit depuis très longtemps. Et d'une certaine manière, on a pu rester dans des formes de liens quand même concrets, même si c'était par la voix et l'écrit, oui. Mais ça compte. Ben nous, c'était très important parce que dans les GEM, il y en a qui y vont tous les jours. Alors, quand on n'avait plus le GEM, on était perdu. Et ouais, ça nous a permis de rester en contact avec les autres GEMeurs et de ne pas être tout seul. C'était ça le plus important. Jean-François, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, il y a aussi les conférences téléphoniques. Il y avait aussi les conférences téléphoniques qui étaient réunies par 5 ou 6. On pouvait jusqu'à 7 ou 8 personnes par conférence téléphonique. On appelait un numéro, on proposait un code et on pouvait se parler tous ensemble autour de l'animatrice. Ou sans l'animatrice, t'es pas obligé. Pour juste parler de nos journées comme ça pendant le confinement, le premier confinement. Donc c'est là que ça a débuté les conférences téléphoniques. Avant, on ne connaissait pas, mais avec le premier confinement, on a essayé de le ruser pour changer le mode de la journée, quoi, pour nous occuper aussi mentalement. Mais là, vous avez repris les choses d'avant, maintenant, où il y a des choses qui sont nées pendant ce temps d'échange particulier, qui sont restées. On avait un nombre, depuis le couvre-feu, un certain nombre de personnes dans les GEM, que c'est l'ARS qui décide, c'est à peu près la même règle, GEM Loisirs et GEM Tigera. Et là, depuis le 9, on peut être 10 personnes dans le GEM. C'est que c'est mieux. Et les GEMeurs peuvent aller maintenant plusieurs fois par semaine dans le GEM. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il y a des choses que vous avez inventées pendant cette période qui sont restées ? Dans les relations, les échanges, des fois, il y a des lieux qui ont créé des blogs, des groupes, et qui sont des outils qui sont demeurés présents, même après le confinement. Non, vous avez laissé les outils virtuels. Moins. Bon, ça fait du bien, effectivement, de se revoir. Et c'était aussi une des raisons de ces rencontres, puisqu'elles avaient été annulées l'année dernière. C'est pour ça que, pour certains, GEM Loisirs et GEM Tigera, on ne s'est pas vus l'année dernière. D'accord. Parce qu'il y a eu deux annulations. Et que, bah, comme tout le monde sait, c'était difficile de se voir, et surtout dans un type de rencontre qui est basé aussi sur la vie quotidienne, ou l'invention de la vie quotidienne. Et du coup, on est bien content de se retrouver, et peut-être qu'on peut passer avec vous, Leïla, Noël de Laborde, pour nous dire un peu dans un lieu où aussi la question de la vie quotidienne est une chose... qui compte beaucoup, comment les choses se sont passées un petit peu cette année ? Ou peut-être que vous voulez encore un peu... En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. En fait, comment dire... les moniteurs nous appelaient tous les jours pendant le confinement, en fait. Ouais. Et... Et ça a été une période difficile pour les gens qui étaient en hôpital de jour, en fait. Oui, qui donc sont habitués à venir aussi pour la journée à la clinique de Laborde. Et on ne pouvait pas venir. Et c'est les moniteurs qui se déplaçaient chez nous, en fait. Il y avait moins de circulation, un peu comme disaient Sylvain et Jean-François, moins de possibilités de circulation. Oui, il n'y avait pas, oui. Ça nous a tous un peu perturbés, en fait, dans notre vie quotidienne. Et maintenant, c'est un peu regrettable, mais il y a un secteur hôpital de jour, en fait. Et en fait, l'hôpital de jour n'est pas un secteur. Alors, ça a cloisonné un peu les choses, un peu... chroniciser les choses, en fait. Oui, Leïla. Alors, attends. Oui, Leïla, ça y est, on t'entend, je pense. Juste pour éclairer ce que tu dis, Noël, quand tu dis... parce que Jean-Baptiste, tu demandais est-ce qu'il y a des choses qui ont perduré dans ce qui s'est mis en place dans une situation exceptionnelle. Là, ce dont tu parles, Noël, c'est plutôt d'une chose... Il y a des choses qui ont perduré, dont on est content, mais ça, c'est vrai que ça... Le sort des gens qui habitaient à Blois, qui ne pouvaient plus circuler chaque jour entre chez eux et la clinique, ça leur a donné comme une sorte de statut à part, enfin de conditions... Ça a un peu cloisonné les choses, voilà, les individus. Et finalement, encore aujourd'hui, maintenant, alors que vous pouvez à nouveau venir à la Borde tous les jours, et ben, finalement, ce cloisonnement, on a du mal à en sortir. Voire même, ça a eu tendance à créer un groupe, puisque vous aviez une sorte de condition à part. On devait manger. Alors qu'on a toujours travaillé sur le fait qu'au contraire, ça circule et que, et que ce soit... Que ce ne soit pas discriminant d'habiter à Blois ou d'être hospitalisé à la clinique. Que ça fasse pas deux mondes séparés. Et ça, on a du mal à revenir dessus maintenant. C'est un peu chronicisé les choses, en fait. On a pris des habitudes et... Oui, les habitudes de toute cette année, de choses qui ne se sont pas remodifiées encore. Oui. Ah oui, parce qu'après, quand vous avez pu revenir, quand les gens habitant à Blois ont pu revenir sur la journée, participer à la vie de la clinique, il y a eu dans le quotidien tout un tas de choses de mise en place au niveau des repas pour essayer de limiter le plus possible les échanges, finalement, entre les gens, quoi. Et du coup, pendant plusieurs mois, les gens dits de l'hôpital de jour, donc habitants à Blois, devaient manger ensemble au premier étage, sans se mélanger. Comme à la Borde, on fait beaucoup de repas-réunions, par exemple. Ben, ça vous a un peu... ça vous excluait, d'une certaine manière, de cette... de ce partage de... Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est créer les chopes belles. C'est un atelier qui s'est créé pendant l'épidémie de Covid. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont faire des courses et qui vendent les biscuits, enfin plein de choses qu'on demande, enfin qui sont demandées dans les secteurs. Et ça a permis de... Non, je ne sais pas trop. Oui, Noël, allez-y. Serge, je sais peut-être que tu peux en dire quelque chose de les choper belles, toi. C'est on peut dire, c'est quelque chose qu'on a fabriqué grâce au confinement. Bah oui, les choper belles a été un lieu de vecteur d'alimentation de produits de première nécessité qu'on ne pouvait plus acheter en ville parce qu'on était tous bloqués à cause du Covid. Et cette formulation de l'entraide ou du pari au plus nécessaire de chacun a bien fonctionné, et même maintenant, même quand le Covid commence à s'arrêter, on se dit, les chopes belles, c'est bien, quoi. Faut que ça continue. Faut que ça continue, parce qu'on était tous là, il y avait une vision de groupe. C'est plus chacun qui va acheter ce dont il a besoin pour lui, c'est chacun, mais dans tout le monde, qu'est-ce que tu as acheté? Moi, j'ai acheté chacun, tu as acheté cela? Ça va? Oui, d'accord, bon, d'accord. Moi, je fais la même chose. On a une sorte de prolifération du langage et du changement du terme de ce qu'on appelle l'achat, qui est utilisé par tous, qui fait que tous communiquent, qui a été effarant et très intéressant à les choper belles. Je crois que c'est pour cette raison-là aussi que ça manque. Ça peut commencer à manquer. À la Borde, on s'habitue à beaucoup de choses. On retombe sur ses pieds. Mais l'expérience de choper belle, je crois que c'est une expérience qui devrait continuer d'une manière ou d'une autre et persister. Quoi. Mais en fait, ça permet de canaliser les demandes des pensionnaires qui sinon demandent à des chauffeurs d'aller faire des courses pour eux. Ouais. Et là, tout est regroupé. Alors comme peut-être qu'on peut dire en détail comment c'est. C'est-à-dire, comment ça fonctionnait, cet outil? C'était des listes qui étaient faites. En fait, il y a une réunion tous les lundis, ouais, où chaque personne de chaque secteur vient avec leur liste de choses à acheter. et des délégués dans chaque secteur qui retransmettent la liste de ce qu'on veut acheter. Et après, ils vont faire les courses à Auchan, en fait. C'est un groupe de pensionnaires qui vont faire des courses. Et après, c'est le vendredi, tout est mis en vente, le vendredi. D'accord, remis en vente dans le lieu de toutes ces... À la Borde, oui. Ouais. Et ouais. Le changement que ça a fait par rapport à avant, c'est qu'avant, il y avait une petite boutique qui était tenue par une monitrice qui vendait un achalandage qu'elle déterminait chaque semaine pour les pensionnaires. Alors que là, il y a vraiment une co-construction à partir de la demande des pensionnaires qui se co-construit avec au sein du club, en fait. Mm-hmm. Du coup, il y a eu une réunion qui s'est créée pour élaborer qui a besoin de quoi, qu'est-ce qui est nécessaire d'aller acheter, quelles sont les denrées qui vont intéresser tout le monde. Toi, tu dis que tu veux des sandales comme ci, et l'autre, il fait absolument cette marque de chips et telle boisson. Et en fait, c'est comme chaque lundi, passe toute l'après-midi à essayer d'harmoniser toutes ces demandes multiples et impérieuses en un achalandage d'une boutique qui serait la boutique de tout le monde, quoi. Et ils vont ensemble faire ses courses, vont ensemble étiqueter pour préparer la vente. Et la vente est aussi partagée par tous les membres du club, quoi, enfin, qui peuvent y participer. Je crois que tu as une voisine. Est-ce que tu peux te présenter? Tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, je voulais parler de l'hôpital de jour de Bondy. Ouais. Nous, à l'hôpital de Bondy, quand il y avait le confinement... Alors, donc à Bondy, en région parisienne. En région parisienne, à Bondy, quand il y avait le confinement, il n'y avait pas de cantine. Nous, la cantine était fermée. Et la cantine de Villévrard était fermée. C'est nous-mêmes, tu dois nous ramener notre repas. On doit ramener notre repas et on mange tout seul dans une table. On mange tout seul dans une table. Et on a plus de repas au petit déjeuner. On ramène le petit déjeuner. On ramène le repas de chez nous. Ouais. Voilà. C'est ça qu'on faisait. Donc il y avait des choses qui se faisaient collectivement. Oui. Déconfinement. Oui. Mais pendant le confinement, ça fonctionnait comment? On n'était pas là. Moi, j'étais pas là. J'étais chez moi. Je restais chez moi. Est-ce que vous appelait presque tous les jours? Mon éducatrice m'appelait tous les jours. Elle m'appelait tous les jours au téléphone pour savoir de mes nouvelles. Un petit peu comme racontait tout à l'heure Jean-François et Sylvain, il y avait une communication par téléphone pour rester en lien au moins par la voix, disons. Oui, tous les jours, elle m'appelait. Ce que tu racontais sur les repas, ça avait l'air important pour toi de dire quelque chose avec ça. On n'avait pas de cantine et tous les jours, on devait ramener notre repas. Et si on n'avait pas d'argent, on ne mangeait pas, alors. Serge, tu voulais rajouter quelque chose. Attends, deux secondes, voilà. Je voulais rajouter que sur la pénalisation que nous a imposée le masque, ça a été très très durement vécu à la Borde. Je ne sais pas si c'est parce qu'à cause des périodes d'isolement ou c'est parce que pour autre chose, mais le fait que les pensionnaires n'aient plus accès au visage entier de l'autre, voir son sourire, voir ce qu'il prétend animer son âme, que le visage reflète de l'âme, le fait de ne pas voir un sourire, le fait de ne pas voir une personne qui a des enchantements et qui le montre, ça oblige à une certaine forme de distance. La communication, elle est rompue. Le regard est richissime, mais il n'est pas tout. La position de la bouche, le teint, le port de tête, tout ça importait. Et à la Borde, on a beaucoup souffert de cela, quoi. il y avait une sorte de recroquevillement de chacun sur soi qui faisait que nous ne pouvons plus communiquer, même légèrement, par le sourire, par le visage. On se refermait sur soi et on essayait de gérer nous-mêmes nos propres problèmes. Et ça a amplifié la pathologie de certaines personnes. Parce qu'il n'y a plus les moyens de communiquer, d'avoir envie de communiquer. Et même pour ceux qui ont des problèmes de communication, le masque, c'est une barrière supplémentaire. Ça clive violemment et ça empêche la communication, quoi. Donc pour communiquer, il fallait faire des efforts. Et parfois, ça ne se passait pas toujours très bien. Avant le masque, ça pouvait ne pas bien se passer, mais avec le masque, c'est encore pire. Et donc, on a assisté à un ralentissement de l'activité, des activités thérapeutiques, un peu, où parfois, quand elles se faisaient sans masque, et ça, c'était pas bien, on nous le remontrait. Et c'était une période où les gens se renfermaient un peu sur eux, et où l'approche de la psychothérapie institutionnelle était... On a essayé de la réinventer d'autres manières, par les Chopébel, par des choses plus autoritaires qui obligeaient au regroupement de chacun, de chaque personne avec le reste. C'était autoritaire, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de signe de vie. Pas de signe de vie, pas de signe de communication. Pour parler à Tralma, c'était un gageur. C'était un gageur difficile. Et donc, ce qu'on a subi était assez violent, quoi. Et même au plus tard de deux jours, le pseudo plus tard de deux jours ne venait pas nous voir. Oui, oui, il y a aussi. Maintenant, il mange à l'étage. Et donc, il y a une sorte d'accumulation de clivage, de séparation qui ramollit, mais qui. C'est pas du ramollissement, c'est de la souffrance qui augmente au niveau de la communication entre les gens, à la borde en tout cas. Mais peut-être que c'est pas seulement, même si c'est particulier à la borde, bien sûr, non, dans chaque endroit. Non, mais je pense que la question de la clinique labordienne, de la borde, est une situation qui voit en très grand les problèmes que sociaux qu'on imagine, qu'on anticipe, qu'on vit légèrement. À la borde, tout devient plus crucial, plus fort, parce que on est beaucoup plus sensible. On a beaucoup plus de problèmes et les solutions doivent être beaucoup plus fortes et démonstratives pour nous, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on est aidé. Et donc, à la borde, c'était... Mais je pense très bien que ce qui s'est passé à la borde, ça a dû se passer dans beaucoup d'autres sites. Est-ce que Jean-François, vous voulez réagir aussi à ce qui s'est dit par Serge et Noël? Nous, le Saval, on était. Il y avait quand même l'animatrice qui prenait des fois l'appel, ils nous appelaient pour savoir comment on allait. Ouais. Des fois, une fois. Elle est derrière Hélène, alors elle rit, mais j'ai pas. Elle est avec nous, mais. Et sinon, dans le sourire. Oui. Sinon, elle nous a donné des attestations, mais c'était le premier confinement que je ressasse. Ouais. Mais depuis, on l'a réussi à Messenger et Facebook à garder le lien, avec le conférence téléphonique, à garder le lien. Et au deuxième confinement, le jam s'est réouvert grâce à l'ARS, l'Agence de la Restauration de la Santé. Donc, on était une chose de 6 personnes, comme disait tout à l'heure Sylvain. Donc, on pouvait s'inscrire et on pouvait venir au jam loisir au deuxième confinement. Même si la question, tu le disais tout à l'heure, des circulations, des voyages, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu se faire. Oui. Aussi en termes de circulation, puisque Serge et Noël parlaient aussi de ces interruptions de circulation, y compris entre l'hôpital de jour et la clinique de la Borde. Tu voulais rajouter quelque chose, Christiane? Nous, tous les voyages qu'on doit y faire, parce qu'il y avait... on avait eu à faire... il y avait un voyage, ça s'appelait... il y avait Le Mans, ils l'ont annulé. Ils ont annulé Le Mans. Et ils ont annulé Saint-Anne-Parc. Ça, c'est des voyages qu'on allait faire à l'hôpital de jour. Et ils les ont annulés. Parce qu'ils ont dit, il y a le Covid. Il y a des gens qui ont eu le Covid. On annule. C'est vil et vrai. Hein. Voilà. Et toi, t'avais envie de partir? Ben oui, moi j'avais envie de partir, ça fait longtemps que je ne suis pas partie. Ça fait depuis l'année dernière que je ne suis pas partie. Je voulais partir, ça m'a saoulée. Et aussi, je voulais parler des... Maintenant, on a repris les ateliers. Mais on a repris les ateliers. Tous les ateliers qu'on faisait avant. Au deuxième confinement, on a tout repris. Ouais, donc l'atelier lecture, tu peux dire un peu les différents. L'atelier lecture, l'atelier dessin aussi, ça a repris. Peinture, l'atelier tous les vendredis. Maintenant c'est le jeudi. L'atelier repas thérapeutique. Et l'atelier voyage, est-ce qu'il a repris? Un petit peu, puisque enfin, vous êtes là, mais... Non, ça n'a pas repris. Cécilia, elle est venue avec son temps de congé. Et toi ? Moi, je suis venue... Moi, ce n'est pas mon temps de congé, mais je suis venue pour... parce que je voulais venir, ça fait longtemps que je n'étais pas partie. Alors, on va recevoir aussi quelques visites dans les jours qui viennent de personnes qui ne sont pas parties depuis longtemps. Demain, par exemple, il y a des gens d'un ESAT qui ont très peu circulé dans l'année. Et lundi, on va recevoir des gens de l'hôpital de jour La Daman à Paris, et qui sera aussi leur premier voyage. Voilà. Et aussi des gens de la tram qui ont un peu des fois plus circulé, mais pas tant que ça. Effectivement, c'est vraiment une situation commune qu'on a vécue dans les circulations d'interruption et de cloisonnement, comme vous disiez. Est-ce qu'on peut poursuivre un peu après, comme on avait fait la promesse à Nicolas Ogem Tejira de l'appeler, même si je ne suis pas encore très sûr de la console, on va essayer de voir si ça marche, mais on avait promis qu'on appellerait le Ogem Tejira. Peut-être qu'eux, ils ont des choses à nous dire, et puis on peut poursuivre sur ce thème, comment ça va, qu'est-ce qui s'est modifié et voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps, je dois brancher mon téléphone et puis on va les appeler, j'espère qu'ils vont nous répondre. Voilà, l'appel est lancé. Je mets le téléphone devant l'enceinte pour qu'ils nous entendent. Allô ? Allô ? Allô, oui. Ah, ça marche. Ça marche, tiens. Est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien. Est-ce que tu entends Jean-François ? Oui, vous m'entendez ? Nicolas, c'est Jean-François. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas. Entendu Sylvain aussi. Ouais. On te passe Anthony, le micro, on verra. Tout le monde. Donc bonjour tout le monde puis bah, tous les invités qui sont aussi présents. Est-ce que vous avez pu un peu écouter ce qu'on se racontait à l'instant ? Bien sûr, on boit les paroles. Nous sommes ici au GEM, on est 8 là dans la salle. On a branché une enceinte pour pas être collé non plus à l'ordinateur, mais voilà, on est répartis à 8 dans la salle. On peut confirmer ce que Sylvain notamment a pu dire sur le GEM Tejira, hein, bien sûr. Il y avait également Serge, Noël et Christiana qui nous ont un peu décrit depuis différents lieux, à la clinique de Laborde et à l'hôpital de jour de Bondy. Aussi comment les choses se sont jouées, mais si vous aviez quelque chose à dire ou que vous aviez quelque chose à ajouter. Ben, non, c'est vrai que ici on a privilégié, après le premier confinement où là tout était fermé, on a privilégié, même par la suite, les rencontres, à la différence des activités qu'on pouvait faire avant, hein. C'est juste de prendre le temps de pouvoir se retrouver, que ce soit ici ou dans les parcs, pour juste passer du temps ensemble. En fait, c'est surtout ça, hein, qui était le plus important. Et puis, des choses qui étaient importantes ici, c'était notamment les repas. Et on a repris, et là, on va reprendre aussi tout ce qui était barbecue. Hein, qui sont des choses qui sont intéressantes aussi pour nous, hein, en tant que convivialité. Ça, c'est le mois de juin. Et puis, on va... Oui. Pardon, je t'ai coupé. Je disais que le barbecue, c'était aussi quelque chose du mois de juin. C'est ça, exactement. Donc là, on va pouvoir les reprendre tranquillement. Et puis ça sera très bien. On a pu quand même, après le premier confinement, faire des sorties. On est allé par exemple au Vendée Globe, au départ des Vendée Globe, juste avant le deuxième confinement du mois de novembre. Hein, donc ça, c'était, on a bien profité juste avant d'être reconfiné. Oui. Non, non, j'ai rien dit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Est-ce que tu peux te présenter? Tu oui, voulais ajouter bonjour, quelque chose? Moi, c'est David. Bonjour, David. Moi, c'est, je suis du GME Tégira. Et tout ce que vient de dire Nicolas, c'est vrai. Même, ils nous ont emmené des masques à notre propre domicile. Oui, on peut le remercier. Il prenait des nouvelles fréquemment de nous. On a repris les petits déjeuners, qu'il a oublié de dire, Nicolas. Les barbecues, j'espère que ça va reprendre parce que c'est vital pour nous. C'est la vital. Pétanque. La pétanque. Et la pétanque à la flèche. J'espère, on a un trophée à défendre. J'espère qu'on va le défendre. Autrement, on a fait une sortie à Saint-Nazaire pendant le confinement. Pendant le confinement, on a fait une sortie à Saint-Nazaire. Cet été. Ouais. Avec tout ce qu'il y avait, les masques, gestes barrières, tout le tintouin qu'il y avait à faire. Oui, comme quoi, on peut, en prenant soin des uns des autres et en faisant attention, on pouvait quand même un peu circuler, en vérité. C'est le premier confinement qui a été très dur. Ouais. Franchement, c'est le premier confinement qui a été super dur. Est-ce que justement, et Nicolas, tu es toujours avec nous si tu veux rajouter des choses, est-ce que pendant ce moment du premier confinement, il y a eu, un peu comme en région parisienne, des logiques d'invention, de solidarité, de distribution? Je sais qu'entre certains GEM, il y avait cet enjeu qu'on puisse amener, faire des courses reliées à des réseaux de distribution de nourriture, enfin, des actions qu'on pourrait dire de solidarité, pour aussi, comme vous le disiez, pour la Borde, mais sur un autre registre en ville. Par exemple, à Saint-Denis, je sais qu'il y avait une liste de courses qui circulait, qu'il y avait des choses qui étaient organisées dans certains GEM pour aller faire des courses, pour amener les courses chez les uns et les autres. Est-ce que au Mans, il y a eu aussi quelque chose autour de cette question des courses? Alors, oui, il y a eu des mouvements comme ça de solidarité qui se sont mis en place. Il y avait notamment, alors c'était pas notre initiative, mais on s'est greffé un petit peu par la suite à ce qui était proposé, une salle municipale qui s'appelle la salle Barbara. Hein, et qui proposait en fait chaque midi et chaque soir des repas chauds qui étaient proposés aux personnes qui voulaient, hein, des personnes souvent isolées, et qui donc proposaient gratuitement des repas en respectant évidemment les gestes barrières. Et beaucoup d'adhérents du GMT Gira notamment s'y retrouvaient. Alors ils faisaient carrément une table GMT Gira pour s'y retrouver. Et parfois, on retrouvait un peu l'esprit du GEM quand même au travers d'un repas. Donc plusieurs personnes, David notamment, ont pu y participer. Et moi après, ça me permettait d'aller rencontrer les adhérents du GEM là-bas, et puis de s'associer aussi avec les personnes qui servaient les repas aussi, de pouvoir les rencontrer. Et puis et voilà, donc il y avait pas mal de choses qui se sont mises en place aussi dans ce sens-là, et pour lesquelles les adhérents du GEM ont bien participé. Je crois que David... Je voulais juste rajouter un autre élément. Moi, ce qui me semble aussi intéressant aussi par rapport à ce confinement, c'est au niveau de l'information. Je trouve que c'était très important et beaucoup d'adhérents ici, en fait, avaient besoin aussi d'avoir des informations, parce que on entendait tout et son contraire à la télé, à la radio, et c'était important en fait de pouvoir échanger sur la compréhension de la situation, hein, savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, et puis bah, comment l'appréhender au mieux, hein, et puis surtout bah, parfois rassurer par rapport à des informations qu'on voyait un peu catastrophiques, quoi. Oui, il fallait trier entre les choses et effectivement contrôler les logiques un peu de peur peut-être aussi. Et... Exactement. Parce que c'était forcément, bon, je ne vais pas les nommer, mais certaines chaînes de télé d'information qui jouaient beaucoup sur l'angoisse et tout ça. Et c'est vrai que ça touchait forcément beaucoup d'adhérents ici et ailleurs, hein, évidemment, et bah, il était nécessaire de pouvoir proposer les choses et puis de dire bon, ça c'est pas toujours judicieux, tout ça, enfin voilà, il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup, Anthony peut témoigner d'ailleurs sans le nommer, mais très souvent on débattait en fait des informations qui étaient transmises. Et voilà, ça permettait de rassurer quelque part et puis de dire, bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et puis avançons, quoi. Je me souviens d'une personne dans un ESAT en région parisienne qui avait fait un petit texte pour inviter tout le monde à arrêter de regarder la télévision de façon extrêmement ferme, parce qu'il trouvait qu'il y avait un effet sur notre psyché, notre psychique, notre santé, qui était absolument négatif et qu'il fallait trouver d'autres voies. Je crois que David, Nicolas, avait quelque chose à ajouter. Eh bien, moi, je ne regardais plus ces chaînes-là, je faisais la sieste. Parce que tellement que ça m'angoissait tellement que je ne regardais même plus BFM et CNews, tellement que c'était anxiogène. Que c'était anxiogène et je ne regardais plus. Hélène, tu voulais dire quelque chose ? Tiens, Hélène. Alors Hélène, tu peux te présenter. Bonjour, moi c'est Hélène. Je suis animatrice sur le GEM Loisirs, donc le deuxième GEM du Mans. Ben voilà, j'ai perdu le fil en attendant d'arriver jusqu'au micro. Ça va revenir. Nicolas, vous êtes toujours avec nous, on reste en ligne comme ça ? Voilà. Oui, bien sûr, ouais, okay. Pas de souci. Du coup, oui, sur le côté... informatif, nous, sur le côté solidarité, ça ne s'est pas développé de la même façon que ce qui a pu se passer en région parisienne ou ce que le GMTJR a pu mettre en place. Nous, il n'y a pas eu ce côté course. Après, je collectais un petit peu parce que même si Jean-François dit que je n'ai appelé que quelques fois, pendant 2 mois et demi, j'ai passé ma vie au téléphone, il faut quand même le savoir. Du coup, il pouvait y avoir des demandes, mais il n'y avait pas ce besoin, en fait, les gens avaient... J'insistais énormément pour qu'ils sortent ne serait-ce que cette heure, hein, ouais. Parce que c'était plutôt l'effet inverse, la peur du dehors, la peur des gens. Par contre, ça s'est énormément passé par le téléphone, hein, parce que ce que Jean-François vous expliquait pour les conférences téléphoniques, on a pu être jusqu'à 15 ans. Hein. Parce que les visios, c'est pas accessible à tout le monde n'a pas Internet, tout le monde... Mais du coup, le GEM a continué à distance ce GEM, où il y avait ces craintes qui étaient partagées, mais en fait, ça a été très vite pas le cœur du propos de ces plus de 2 heures hein, d'échange à plusieurs, mais le fait de tenir bon ensemble et dans la rigolade, en fait. Ouais. Le côté solidarité à ce niveau-là, pendant les 2 mois et demi, ça a plus été sur le fait d'avoir ces bulles d'air. Voilà. Noël, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter que pendant le premier confinement, on devait appeler notre médecin tous les jours, en fait. Moi, je vais appeler mon médecin à 9h tous les jours. Et c'est dommage que ça n'ait pas perduré, en fait. Alors, peut-être que ça répond aussi à ce que tu dis, Noël. Je me souviens, pour avoir des amis animateurs, animatrices, que sur cette question de passer son temps au téléphone, effectivement... comme il n'y avait plus de lieu de la vie quotidienne, souvent je me souviens avoir entendu dire, mais je ne sais plus si, là je parle du point de vue animateur, animatrice, si le GEM est chez moi, où je suis, enfin il y avait quelque chose comme le fait que le lieu de travail ou de vie, d'échange du collectif qui était le GEM ou le chez-soi, il n'y avait plus de frontières non plus, alors qu'on était chez soi, j'ai entendu cette idée que les frontières disparaissaient. Je n'ai pas l'impression. Mais... Non, non. C'est vrai qu'on a parlé de certaines frontières qui se multipliaient tout à l'heure. Il y a eu un cloisonnement, en fait. Voilà. Mais là, je pense par exemple à Clarisse qui était tout le temps au téléphone à appeler les gens des GEM puisqu'ils ne pouvaient pas se réunir à Saint-Denis. Elle me disait que, voilà, d'un seul coup, le travail commençait aussi le matin depuis chez elle et que du coup, il n'y avait plus de lieu commun. Oui. Effectivement, c'est encore un cloisonnement par rapport au fait qu'on ne pouvait pas se retrouver dans un lieu commun. Mais du coup, il n'y avait plus de séparation vraiment franche entre les espaces. David ? Moi, heureusement qu'il y a eu Nicolas pour nous apporter les masques à la maison. Il venait prendre de nos nouvelles. Des fois, on était 6 au GEM parce que c'était autorisé 6 pendant le premier confinement. Après, il a augmenté la jauge grâce à l'ARS. Là, on est à 10, tant mieux. Après, j'espère qu'on sera débarrassé des masques, mais autrement, moi, je l'ai très mal vécu. Le premier confinement, j'ai très mal vécu. Déjà, pour les médecins, les rendez-vous, ma psychiatre, je ne l'ai pas vue pendant une année. Alors, pour avoir un rendez-vous, tout le monde avait peur du Covid. Alors, pour avoir un rendez-vous de psychiatre, j'ai dû faire du rameur. Je faisais du rameur, carrément. Alors, il y a également Sylvain et Jean-François qui voulaient ajouter quelque chose. Moi, je vais juste confirmer, comme a dit David, je voudrais remercier Nicolas qui était, et qui doit être encore avec nous, je pense, qui était, dès qu'on avait une question, comme il a dit tout à l'heure, des peurs, des angoisses dues aux informations. Et il était très présent, et comme David, toi tu l'as dit, et pour d'autres gemmeurs, moi je remercie l'animateur du GEM Tigérin, voilà. Merci Nico. Et aussi je voulais dire... Jean-François. Oui, je voulais dire, et quand elle appelle quelquefois, enfin c'est quelquefois la personne, donc ça faisait plusieurs fois, quelquefois dans la semaine, donc en tout elle a appelé plusieurs fois, plein de personnes chaque jour, je m'en dis très bien talent encore. Mais on remercie. Tu voulais ajouter qu'on appelait plein de fois et pas seulement une fois ? Non, Hélène, elle appelait plein de fois, plusieurs fois, plein de personnes. Ah oui, donc, oui. À la fin de la journée, elle a appuyé à la tête. Bon, je pense que ça devait. Et bon, elle ne se faisait rien, donc au revoir. Et d'ailleurs, c'est vrai que des fois, on faisait des zooms du téléphone et que souvent, le son du téléphone n'est pas un son très agréable. Et c'est vrai que ça peut être aussi très fatigant. Je pense que Hélène, sa vocation. Je pense qu'Hélène, elle est dans les tripes. Donc, elle anime dans les tripes. Donc, je pense que c'est sa vocation. Ça lui plaît beaucoup, son métier. Ça la passionne. Oui, David. Pareil pour Nicolas. Hein, il doit avoir ça dans les tripes ou dans ses gènes. Nous, on allait à la salle j'ai eu la chance d'aller à la salle Barbara matin, le midi et le soir. Et puis, on avait les attestations pour circuler. Les fameuses attestations qu'il fallait remplir matin et soir. Et après, entre nous, ça a créé un lien de solidarité que, tiens, va à cette salle-là, ils donnent des repas gratuits. Et ça leur faisait une sortie et ça leur permettait de voir du monde. Alors, on a un nouvel invité à la table, mais en attendant, pour se faire une petite pause... Je vous propose tout à l'heure Frodeux qui fait un travail avec Claudie ici, avec une compagnie qui s'appelle Les Volontiers, nous a laissé quelques bandes-sons qui ont été fabriquées récemment, puisque le 29 mai et le 5 juin, ils sont venus jouer dans cette grande salle qui est derrière nous. Et c'est un atelier et une compagnie. Qui a pu aussi reprendre, même s'ils se sont arrêtés aussi, parce que beaucoup de gens vivent dans des foyers à des endroits différents et sont dans la compagnie, sont ensemble quand ils sont au travail. Et donc, ils ont pu reprendre aussi leur activité, plein de gens du Mans, au sein des volontiers. Et Frodeux nous a laissé une petite bande-son. que nous allons passer maintenant. Ça s'appelle Les Geishas, la directrice, les danseuses. Un jour, ce que j'aimerais, c'est être dans les bras d'une très jolie jeune femme, très élégante, très classe, peut-être pas une danseuse, mais bon, pas loin, comme celle que j'observais l'autre jour à télévision, qui était une danseuse de Crazy Horse, justement, et avec le bustier par-dessus, sous les seins. Elle était belle, mais maquillée, mais coiffée, bien maquillée. Elle me faisait rire parce qu'elle dansait, elle chantait, elle était vivante. C'était vraiment très vivante, très... Elle bougeait beaucoup, elle dansait, elle chantait. Elle était très équilibrée dans ce qu'elle faisait. C'était vraiment très chouette tout entre elles. C'était vraiment très chouette. C'était vraiment... On voyait que c'était d'un grand niveau ce qu'elle faisait. Je les observais leur tenue et je me disais quelle classe quand même de la façon dont elles dansent. De la façon dont elles sont aussi habillées. Je me suis imaginé être le garçon avec lequel elle sortirait ou même où elle danserait, elle chanterait sur scène avec lui, quoi. J'aurais bien aimé être avec ce genre de fille, quoi. Et être habillée un peu comme elle pour voir un peu comment ça réagirait, quoi, face à un public. Surtout quand elle danse et qu'elle chante sur scène, qu'elle bouge leur corps, leur belle poitrine. Elles ont toujours de très belles poitrines. J'ai remarqué que ça, c'était assez impressionnant. Elles sont très belles, très jolies. Elles sont toujours bien maquillées, bien coiffées, bien maquillées. Très stylisées, on va dire, presque trop stylisées, on va dire, à la limite. C'était vraiment merveilleux, je les vois à l'adhésion comme ça, se montrer comme ça aux hommes. Hein. Ou même dans les coulisses, lorsqu'elles se remaquillaient, elles sont une belle beauté. Elles me faisaient bien rêver. Je les observais un petit moment comme ça, dans leur intimité, on va dire, dans laquelle elles me permettaient de rentrer. On les observait, mais on les observait aussi un petit peu du coin de la caméra, ce qui était intéressant. La la la la pa le la la la pa pa le la pa pa le la pa pa le la pa pa le la pa pa la la pa. Voilà, nous sommes donc en direct sur Pinode, sur la page multistream de Pinode. Merci à eux pour nous permettre de faire cette radio dans la fonderie pendant les rencontres encore heureux. On avait fait de la radio il y a 2 ans, il y a 3 ans, 4 ans, et là on fait une radio un peu différemment. On n'avait pas la possibilité d'émettre quand on voulait et d'accueillir un peu aux horaires qu'on veut, donc c'est assez agréable. On a des invités qui ont changé de place. Serge est maintenant à droite, mais on a été aussi rejoint par Linda, Aline et Anthony. Et Jean-François est toujours là à ma gauche. Et tu voulais aussi rajouter quelque chose sur... je vais te laisser la parole. Et peut-être qu'on... Je crois que tout le monde avait des choses à ajouter, donc on peut faire comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, on peut sauter aussi des heures, exactement. Merci, Serge. Oui, avec le jeune loisir, avec le Pierre Guédou, le jeune loisir fait avec les habitants du quartier de Miroir du jardin, un téléjardin, avec un petit jardin conséquent qui on l'a fait là depuis des ans. Donc et, ça, c'est le quartier du Miroir. Du GEM, donc. Du quartier du Miroir. Vers, qui est le quartier du GEM. Oui, voilà, oui, qui fait partie du jeune loisir. Donc avec le responsable de Pierre Guédou, on l'arrose, on a planté des plantes. Des gingembre, des poivrons, un peu tous ces types de plantes, on a tout planté. Et ça commence à pousser, et ça commence à être conséquent, et voilà, donc ça commence à plaire aux habitants, et ça commence à se faire un peu connaître. Alors derrière toi, Sandrine veut ajouter quelque chose là-dessus, je crois. Oui, vas-y. Non, tu peux... Attends, regarde, on va lever comme ça Jean-François peut rester, et toi tu peux parler comme ça. Voilà, on t'écoute. À propos de ce jardin, je crois, tu veux parler. Alors, Pierre Guédou a créé un jardin partagé, juste à 500 mètres du GEM, juste en face de la salle de la maison de quartier. Et progressivement, ça a commencé pendant le confinement, progressivement, il l'a agrandi. C'est devenu un superbe jardin où tout le monde participe. C'était génial. On a partagé les cueillettes avec les habitants. Les habitants viennent, ils commencent à... Cette année, ils vont commencer à arroser. Il y a des échanges de semis. Il y a vraiment... Là, on a fabriqué des pancartes pour tous les légumes, des superbes pancartes colorées. Et en plus, il y a des variétés intéressantes. Un exemple, des christophines, c'est pas courant. Plein de choses. Enfin, c'est un lieu, en plus, où les gens du GEM viennent s'asseoir devant la maison de quartier, devant le jardin, et partagent l'après-midi. Alors, ça nous a sauvés de l'intérieur où on en avait... Enfin, 6, c'était pas beaucoup. Donc, à l'extérieur, on peut être 10. Voilà. Donc, je voulais parler de ce jardin partagé. C'est hyper important. J'en profite pour dire que, oui, les espaces extérieurs, pour l'avoir vécu le confinement en ville, moi, ça a aussi été très important. On avait récupéré in extremis, avec des voisins, une petite parcelle. Je passais beaucoup de temps, des fois un peu en cachette. On n'a pas parlé beaucoup de comment on désobéissait aussi à tout ça. Mais, et du coup, ces jardins, ils ont été très importants. On disait aussi tout à l'heure que ça a été des lieux dans lesquels on a été après le premier confinement pour se retrouver et reprendre des temps de vie quotidienne, je dirais, collective. Et c'est des lieux où des ateliers, parfois, se sont... Oui, il y a toute une activité autour. Hein. Il y a eu le troc plan-plan, ça s'appelle la journée plan-plan, échange de plans. Ça, c'est organisé par Pierre Guédou. Voilà, il y a l'arrosage qui est commun au GEM. Voilà, je l'ai déjà dit, oui. Et du coup, j'en profite pour dire qu'il y a deux radios... dont on va diffuser des travaux la semaine prochaine, sans doute, dont l'atelier Radiola de Radio Grenouille à Marseille, qui a fait une émission à l'été 2020 sur les jardins. Alors, si vous n'avez pas l'occasion de l'écouter dans les jours qui viennent, je vous dirai comment on fait. Mais ils ont aussi fait, à la sortie du premier confinement, quelque chose sur les jardins. Voilà. Et Radio El Calma, à Marseille aussi, je crois, est aussi en train de préparer une émission sur les jardins. Donc, c'est une émission qui est fabriquée au CATTP Le Colibri à Marseille. Voilà. Donc, oui, les jardins, ça nous sauve, ouais. Et beaucoup, ça nous sauve la vie, quoi. Oui, franchement. Anthony, tu voulais dire quelque chose ? Il faut que tu parles assez proche. Alors, oui, je voulais ajouter quelque chose. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Je te laisse te présenter. Tu es aussi d'un groupe d'entraide mutuelle. Voilà, c'est ça, du groupe GEM Tigera Le Mans. Donc. Et je voulais juste dire que le premier confinement, comme disait David tout à l'heure, était très dur, très, très, très dur. Et c'est vrai que j'ai eu du mal pour le premier et le deuxième confinement, d'ailleurs. J'ai eu du mal à le respecter. Et j'avoue, en toute franchise, voilà, honnêtement, je suis franc. Je l'ai pas du tout respecté. Franchement, je pouvais pas parce que je sais, mais je suis franc. Je sais. Voilà, pour ma santé mentale, c'était vraiment indispensable de sortir parce que je pense que franchement, j'aurais fait une bêtise. J'aurais fini aux urgences psychiatriques, vraiment, sincèrement. Donc, je mettais vraiment ma vie en danger si vraiment je restais chez moi. Je pense que j'aurais fait vraiment une grosse bêtise. Donc, j'ai dit, je vais faire des sorties seul, hein, bien sûr, hein, seul. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que franchement, voilà. Mais c'est très important ce que tu dis. Il y a comme ils viennent la semaine prochaine, l'hôpital de jour l'Adamant, la WEV, c'est l'atelier radio de l'hôpital de jour l'Adamant, pendant le confinement, eux aussi, ils continuaient à accueillir un peu des gens sur le lieu, alors qu'au début, on leur demandait de fermer, pour même ne serait-ce qu'arroser des plantes. Et donc, sur le site laouev.com, on peut entendre, il y a des choses qu'ils ont fabriquées pendant le confinement qui racontent un peu ces choses-là aussi, comment on continue à circuler, à vivre, même si on sort plus d'une heure à plus d'un kilomètre. Et une dernière chose, Nicolas va être content, mais je vais bientôt me faire vacciner. Ça y est, j'ai pris rendez-vous, Nicolas. Voilà. Alors, est-ce qu'on continue ce petit tour ? Tu voulais dire quelque chose d'autre, Anthony ? Bah non, j'espère qu'il n'y aurait pas un quatrième confinement basé sur tout ça et qu'on sera bientôt débarrassé de tout ça, voilà. Vous vouliez dire quelque chose, Thomas, Aline ? Ouais ? Ah pardon, alors attends, il faut que je... Voilà. Oui, je voulais dire, c'est intéressant là, toutes les questions que ça apporte en fait. Toi, tu travailles à la Borde, je précise, pour les gens qui nous écoutent. Oui. Et cette notion de l'espace, comment on travaille, comment on vit avec ces espaces qui se restreignent, qu'est-ce qui se crée à côté de ça ? Là, vous parliez beaucoup des jardins, de l'extérieur, de ce qui pousse. On arrive bientôt en été et ça me fait penser à un projet là, collectif du club qu'on a eu à la Borde, un concours de patates. C'est-à-dire ? Oui, ça, aussi loufoque que ça puisse paraître, il y a une idée qui a été lancée comme ça au jardin à la Borde, parce qu'on a un grand potager aussi. Et du coup, l'idée de ce concours, c'était que chaque, ce qu'on appelle des secteurs à la Borde, donc chaque lieu d'habitation, lieu de vie, a hérité d'un pneu et de plusieurs patates. Le pneu qui constitue du coup la maison des patates et les patates en elles-mêmes. Donc autour de ça, on a discuté un peu, on a élaboré un peu les règles de ce concours qui sera évalué sur deux critères. Le premier de production de patates et le deuxième de ce qu'on peut faire autour. Et du coup, je trouve que ça fait pas mal causer, vivre et créer de nouveaux espaces, justement. Je pense à tous les secteurs dans leur style, dans leurs ambiances, qui ont imaginé l'élaboration de la plantation aux entours. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que en même temps, ça crée des nouveaux chemins. Des nouvelles routes, des nouveaux passages, des rencontres aussi. Et en même temps, c'est assez rigolo, en fait, autour d'un truc qui pourrait être, je sais pas quoi, une banalité. Ben, en fait, il y a beaucoup de vie autour de ça. C'est très chouette. Allez, moi, je trouve ça très chouette. Aline ? Oui, bonjour. Donc, moi, Aline, je travaille aussi à la Borde. J'ai encore du mal à parler de toute cette période-là parce que j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore sorti. Et ce qui a été compliqué me concernant, c'est de sentir en soi déjà présente une division entre qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que c'est que de soigner, qu'est-ce que c'est que d'être soigné, comment je peux prendre soin de moi, des autres et collectivement. Et quand on sent présent en soi une indécision sur ce qu'il faut prioriser, c'est difficile d'être dans le partage. Est-ce qu'il y a des choses à faire entendre ou pas ? Enfin, Serge parlait tout à l'heure de la notion d'autorité. Et c'était difficile à sentir la propre autorité en soi aussi par rapport à ce qu'il fallait faire respecter, mais au nom de quoi, au nom de qui, est-ce que justement dans cette période-là, on ne perdait pas la parole de chacun et le poids de la parole de chacun qu'à la Borde, on essaye d'écouter au même niveau. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours réussi à le faire et ça me questionne encore parce que je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement. En tout cas, ce qui était intéressant à voir aussi, comme tu as pu le dire, Thomas, c'est qu'il y a des choses qu'il n'était plus possible de faire à l'extérieur de la clinique, mais de voir aussi que la notion d'extérieur et d'intérieur, elle n'est pas si évidente. C'était aussi souhaitable de voir qu'on pouvait aussi prendre du plaisir et être créateur, créatif à l'intérieur même de la clinique, trouver de nouvelles circulations, de nouveaux temps d'échange, peut-être un peu moins formalisés, comme disait Serge. Peut-être qu'à la Borde aussi, on s'habitue vite et qu'on se formalise vite et que d'être poussé à réinventer, ça peut être aussi intéressant. Après, actuellement, ce qui me travaille plus, c'est le fait que, en tant que moniteur, j'ai l'impression que on vit pas la même réalité, enfin les mêmes possibilités, la même liberté que les personnes qui sont hospitalisées. À savoir que nous, matin et soir, on peut rentrer chez soi si on le souhaite, on peut partir en week-end, en vacances, qu'on n'a pas de compte à rendre. Après, ça regarde la responsabilité de chacun. Mais cette possibilité-là, elle n'est pas aussi évidente du côté des pensionnaires. Et ça, c'est difficile à considérer. Et ça se rejoue dans les questions de vaccination. Voilà, que Noël, dont Noël voulait parler d'ailleurs, je crois, à la vaccination. Oui. Je voulais parler de la vaccination parce qu'en fait, à la Borde, ça s'est très bien passé. Il y a 95% des pensionnaires et des moniteurs qui ont été vaccinés. Et on a eu très peu de personnes malades, en fait, du Covid. Non. Christiane. Nous, à l'hôpital de jour, on est parti à Ville-Évrard même. Dans l'hôpital même, à Ville-Évrard, pour se faire vacciner. Et au début, c'était pour les personnes âgées. Et après, c'était pour venir les personnes de mon âge. Moi, je me suis fait vacciner. J'ai 30 ans. Et presque la moitié des gens de l'hôpital du jour se fait vacciner. Il y a les éducatrices qui se sont fait vacciner. Les infirmières. L'hôpital de jour, oui, il y a des personnes qui se sont fait vacciner. Bon, ce n'est pas du tout une obligation. Nous, on l'a fait pour venir ici au Mans. Bien qu'on ait eu l'interdiction de venir par l'hôpital, mais on est venu quand même. À demi vacciné. Voilà, oui. Ils ont formé une infirmière spécialement pour faire les piqûres pour les vaccins. Il faut prendre rendez-vous, voilà, une petite organisation. Voilà, tout le monde me fait oui, de la Thomas, tête, je passe. Non, mais parce que on s'est dit, on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, est-ce que le fil est assez long, Serge? Oui. C'est pour en revenir au problème que vient de souligner Aline entre la vie du moniteur et la vie du pensionnaire. On a beau être dans un monde où on prétend être de la psychothérapie institutionnelle, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème que tout va coule de source. Je comprends très bien ce que tu as dit, et c'est bien que tu sois posé le problème. Moi, de mon côté, en tant que pensionnaire, j'ai aussi beaucoup de mal parce que les moniteurs, à cause du confinement obligatoire d'une semaine, ne pouvaient pas tous être présents quand on avait l'habitude de les voir, de les avoir. Et de là, ça crée une inadéquation, un trouble dans la vie des secteurs parce qu'on ne retrouve pas les mêmes moniteurs. Les moniteurs faisaient partie des murs, des gens sûrs. On saurait qu'on pouvait parler, discuter, engueuler quand on n'était pas bien. On sait très bien qu'il n'y a rien à faire, qu'ils étaient là pour encaisser. Des moniteurs qu'on pouvait nous aider, à qui on pouvait demander de l'aide parce qu'on les connaissait. Il y a une certaine forme d'intimité qui se faisait à force, à mesure de présence. Et cette intimité qui se concevait à force, à mesure de présence, permettait une plus grande fluidité, une plus grande inconsciente connivence entre nous. Et cette inconsciente connivence entre moniteurs et pensionnaires, elle a eu du mal à se refaire. Parce que les moniteurs étaient appelés dans d'autres secteurs. Les moniteurs qu'on avait l'habitude de voir ne travaillaient plus forcément avec nous. Et ça crée ça amplifie finalement le problème que propose le masque que l'on porte. Et donc, en cela, ça devient plus difficile à appréhender, à se gérer. Et j'ai remarqué aussi qu'à la Borde, les pensionnaires, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé d'encaisser cette double altération de la réassurance. Ça a été très difficile pour certains, et certains ont dû prendre plus de médicaments que d'autres. Apparemment, tout va bien parce qu'on prend plus de médicaments, mais en fait, tout va plus mal. Parce que les médicaments, on les prend quand ça va mal. Plus on en prend, plus on est atteint. Et plus on en prend, c'est parce qu'on est un peu plus atteint. Et il faut voir le curseur, quoi. Et parfois, c'était extrêmement dur à supporter. Le fait que la connivence crée depuis un certain temps s'ébrouille, s'évapore et disparaissent. Ou soit difficilement reconstructible. Je ne dis pas que les moniteurs ne sont pas incompétents, au contraire, ils sont très compétents. Quand on a vraiment de très gros problèmes psychologiques, ils sont toujours là pour nous aider, pour nous remettre le pied sur le pédalier. Ils nous aident beaucoup. Mais cette aide-là, parfois, on en doute. Parce qu'on a tout à refaire, tout à reconstruire. De notre côté, nous qui ne sommes pas aussi portés à la réassurance, portés à la confiance, nous qui doutons de nos amis, de notre capacité, de beaucoup de choses, on a besoin d'un continu, comme pour les médecins, pour avoir confiance et pour renaître à la vie sociale que nous refusons ou qui nous refuse. Et donc le fait que les moniteurs, à cause du coronavirus, soient obligés de changer le secteur et que les pensionnaires, à cause du coronavirus, ne puissent même plus se parler normalement, ça crée un triple problème dont j'ai l'impression qu'on peut sortir parce que on est d'assez grands sportifs de la pathologie. Même de haut niveau, comme notre cher ami Michel Dalla, Jocelyn. Mais c'est dur, quoi. Il y a des moments qui sont très, très durs à passer. Des moments qui sont durs dont on n'a pas forcément conscience. Là, j'en parle parce que la discussion me met en demeure d'y penser. Mais il y a des problèmes comme ça qui sont difficilement corrigeables. Et qu'on ne peut, en dernier lieu, comme en premier lieu, résoudre que par l'augmentation des médicaments. Et après, espérer que les médicaments, on en prendra de moins en moins souvent pour venir à une situation plus normale. Puis de retrouver la confiance qu'on avait en les moniteurs. Donc voilà. Et là, tu voulais préciser des choses. C'était pour rebondir sur ce que disaient Aline et Serge, où on entend beaucoup que ça soulève que la condition est différente pour les pensionnaires, pour les moniteurs, ou tout à l'heure avec Noël, pour les gens qui sont à l'hôpital de jour, les gens qui sont hospitalisés. Et c'est sûr que le Covid, ça a fait une sorte d'inflation de la catégorie. Et que pour réglementer et pour contrôler les circulations vivantes, bah, il fallait déterminer des règles et des catégories. Et là, oui, là, non. Ceux qui sont comme si, oui. Ceux qui sont comme ça, non. Ou bien à cet endroit-là et les autres à cet endroit-là. Et mine de rien, c'est sûr que ça... ça favorise une logique de ségrégation qui est de toute façon là, qui n'a pas besoin de ça. Ouais. Alors que, en tout cas, dans cette tentative qu'est le club thérapeutique, l'idée, c'est de favoriser une logique où le soin, on peut tous en avoir besoin et on peut tous l'exercer. Il n'appartient pas forcément à ceux qu'on croit, ni c'est pas forcément ceux qu'on croit qui en ont besoin. Enfin, en tout cas, voilà, ces questions-là sont beaucoup plus partagées que la question des statuts nous le fait voir. Et dans ce que j'entendais aussi de ce que vous disiez, peut-être Serge, j'entendais aussi le fait que la vie quotidienne telle qu'elle s'est, elle se construit par exemple à la Borde, c'était aussi une période où, quand vous dites, Serge, reconstruire les choses, c'est, j'imagine, une circulation des moniteurs ou des infirmières qui est différente, donc aussi des circulations de personnes qui changent et où, pour ça que vous disiez reconstruire, etc., j'entends aussi des habitudes qui sont bouleversées avec peut-être les absences, les gens qui ne sont pas là, ou, et qui aussi fragilisent. C'était pour éclairer concrètement si c'était ça qu'il fallait avoir en tête. Oui, effectivement. Linda, je travaille aussi à la Borde. C'est vrai que, pour aller dans ce que tu dis, ça a créé des nouvelles choses. C'est vrai qu'on a perdu des gens qu'on voyait souvent, ou des habitudes qu'on avait, et à la fois, ça a ouvert, ça nous a obligés à aller un peu vers l'inconnu, parce que un tel qui tenait son atelier n'était plus là, donc il fallait faire autre chose. Les gens de l'hôpital de jour, il fallait une infirmière pour aller faire les injections, par exemple. Ça, c'était une injonction. Et ben, moi, ça m'a permis d'aller rendre visite à plein de gens chez eux, des gens que j'allais jamais voir. Et du coup, ils étaient hyper contents. On m'invitait pour le café, le gâteau. C'était des petits rendez-vous qui duraient bien plus longtemps que prévu. On n'avait normalement pas le droit de manger les uns avec les autres, mais on a quand même organisé quelques repas dans une ou deux maisons où on sentait que c'était un peu nécessaire de se retrouver autour d'un casse-croûte, ce qui n'était pas du tout dans l'air du temps au mois d'avril de l'année dernière. Donc c'est vrai que ça nous a sortis aussi, mis en danger. C'est vrai que je dirais qu'au mois de mars, on était un peu... On avait peur, quoi. Tous, on était un peu... On était inquiets pour notre famille, on était inquiets pour les patients, parce qu'on savait qu'en sortant et en rentrant, on pouvait revenir contaminant, etc. Et puis après, d'ailleurs, c'est Alexandre qui est là avec nous, qui un matin m'a dit « Non, mais maintenant, on est un peu comme une vraie communauté... On vit tous ensemble. C'est vrai qu'on était tous les jours les mêmes au repas, au rail. Il y avait quelque chose d'assez... En plus, on a traversé deux décès à ce moment-là. Et on a quand même réussi à organiser vraiment deux temps très, très conviviaux, très doux, dans le parc, vraiment chaleureux autour des gens qui nous ont quittés. Donc, j'ai l'impression qu'on a aussi réussi à inventer quelques nouveaux petits métiers. Serge, non? Oui. Un peu les grooms qui distribuaient du gel hydroalcoolique. Les petits métiers, c'est tout le travail de la vie quotidienne, toutes ces petites choses, le service de table, balayer, tout ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble les uns avec les autres dans un endroit plutôt sympa. Les gens qui donnent des coups de main à la cuisine, etc. Et on a inventé le groom qui distribue un peu de gel hydroalcoolique. Serge? Je vais dire, pour confirmer ce que Linda dit, c'est que, socialement par le manque de communication, il y a des gens comme moi ou comme d'autres qui s'attachaient scrupuleusement à faire un service d'entraide, de soutien à la maison abandonnée parce qu'il n'y avait que ça. Que ça pour avoir des contacts, dire bonjour à d'autres personnes, au revoir à d'autres personnes. Ou discuter, il n'y avait que ça. Pas parce qu'il n'était pas capable, non, parce qu'il n'avait pas confiance en eux, ou qu'il n'avait pas la capacité à avoir confiance en eux pour communiquer. Donc on s'est rabattu très fortement, certaines personnes se sont rabattues très fortement sur le groom, linge sale à porter, mise de couvert, mise de table. Pour certaines personnes, ça a été comme ça. Pas pour toutes, hein, mais pour certaines personnes, ça a été comme ça. Je pense que c'est une initiative heureuse, une initiative qui est porteuse d'esprit, d'espoir, mais il n'y avait que ça. Maintenant, ça recommence à être plus normal au sens où on l'avait avant. Mais le masque est toujours porté, c'est toujours un problème, ce masque. Ce masque est toujours un problème, ça cliffe toujours la qualité des communications. Merci. On pourrait, j'ai l'impression, continuer, pas à l'infini, mais en même temps, la radio ne peut pas tout et on pourra s'en reparler hors micro. Parce que à 16h, dans la pièce à côté, va commencer une rencontre-conférence autour de peintres spirites et peut-être que certains autour de la table veulent y participer. Du coup, on va s'arrêter là pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais rediffuser l'émission d'hier. Comme ça, on perd pas trop l'antenne longtemps. Et ensuite, ce soir, il y aura aussi à 19h30 le DJ set sur le parking. Donc, je vais lancer la rediffusion de l'émission d'hier. Et comme ça, tout le monde peut rejoindre toutes les autres choses qui se passent dans le lieu cet après-midi. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci beaucoup, très sympa. Earlier in the evening, a man with all kinds of loping melody and far out and wonderful sounds. It's been a good evening. I don't know about yourself, but when we started out, it was so kind of cold and that's right, and wet. But for three and some hours, you people have been excellent. And I just want to thank you for it and congratulate you on your good audience. So good hand for a good audience. Hooray! Coming on stage is, of course, Mr. Alvin Jones, kind of a newcomer to the world of jazz and drums. He's another Detroit boy, by the way. Detroit, the two guys from Detroit can stand up and take a bow. And then there's Jimmy Garrison on bass. And finally, we have McCoy Tyner on piano. And the master of them all, Mr. John Coltrane. Thank you.